un appel, deux appels, plus l'histoire se répète. On se rappelle des je t'aime et des dates dans la caisse. À la base je devais vite oublier, mais pourquoi je te relance, je sais hop. Ouais, à la base je devais vite oublier, mais j'ai comme l'impression que c'est un nouveau départ. Toi et moi on est connectés. T'es parti, t'as cherché, mais ton cœur n'a rien collecté. Y'a pas de petit jeu, on se connaît trop pour ça. On s'est déjà fréquenté, donc on brûle les étapes. Un peu de regret, un peu de haine. Tu m'as pas tourné le dos et c'est ça qui me ramène. Wonder, wonder, wonder, wonder, mama. Wonder, wonder, wonder, wonder, mama. C'est ton blase qui résonne dans ma tête. Te garder pour moi, c'est mon projet. Je veux bloquer ton cœur, je veux laisser les toi et moi, c'est déjà bouclé. Unbreak my heart, oh baby, save my life. Don't let me down, oh baby, save my life. You said goodbye, won't you compromise? Still in love, girl, no need to deny. I'm addicted now, can't get over you, mama, you should know, no, no. Overtaking is allowed, let that nigga know, say you missing out, now, now. Say, come back to me, no, do me like this. But I wale, oh my lady, I'm missing you like crazy. Now only you feel to me like this. I wonder, wonder, wonder, wonder, mama. I wonder, wonder, wonder, wonder, mama. C'est ton blase qui résonne dans ma tête. Te garder pour moi, c'est mon projet. Je veux bloquer ton cœur, je vais laisser les toi et moi, c'est déjà bien. Dis-moi tout ce qu'il faut et c'est géré dans la seconde. L'amour que je te donne et que tu me donnes, c'est tout ce qui compte. Dis-moi tout ce qu'il faut et c'est géré dans la seconde. L'amour que je te donne et que tu me donnes, c'est tout ce qui compte. Wonder, wonder, wonder, wonder, mama. Wonder, wonder, mama. My wonder, wonder, wonder, wonder, mama. Oh, baby, c'est ton blase qui résonne dans ma tête. Te garder pour moi, c'est mon projet. Je veux bloquer ton cœur, je vais laisser les doigts et moi, c'est déjà bouclé. Wonder, wonder, wonder, wonder, mama. My wonder, wonder, wonder, wonder, mama. C'est ton blase qui résonne dans ma tête. Te garder pour moi, c'est mon projet. Je veux bloquer ton cœur, je vais laisser les doigts et moi, c'est déjà bouclé.